Et oui, du coup, on s'est écouté The Hand and the Pocket Bells pour le morceau See You Later. Et c'est vrai que comme on parlait de swing, de modern swing et électro swing, forcément, on était un peu obligé de passer à côté du morceau de Cissy Redwick pour le morceau Gimme That Swing. Et c'est un peu ça l'idée, c'est de vous donner du swing pour changer un peu du blues, du jazz. Et vous mettre un peu dans ce style, voilà. Donc tout de suite, Gimme That Swing, quel morceau qui démarre finalement vraiment notre émission. Donc tout de suite, Cissy Redwick pour le morceau Gimme That Swing. Et oui, du coup, on va s'écouter Aaron Chupa feat. Little Sis Nora, toujours pour du swing, parce que c'est pour le morceau Little Swing, et un morceau qui devrait aussi être vachement énergétique, hein, pas énergétique dans le sens vous donner la pêche. Et justement, on est là pour ça, on est là pour danser ce soir, On est le vendredi soir, il est quasiment minuit, alors il est minuit, voilà. Donc tout de suite Aaron Chupa feat. Little Sis Nora pour Little Swing. Her knees, feet and elbow were fitting into a mamba. The scene starts to crumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to buy that diamond ring. It ain't no big thing. just show her a little swing. Just show her a little swing. Show her a little swing. S'écouter Baldwin Fitzhu pour le morceau Mister Mister, puis on va s'écouter après Little Violette pour le morceau Don't Stop, et après vous vous demandez mais quand est-ce qu'on rentre vraiment dans le swing, l'électro swing? Bah, ce sera tout de suite après, puisque on va passer dans une dizaine de minutes je pense de l'électro swing. Voilà, donc tout de suite on s'écoute Baldwin Fitzhu pour le morceau Mister Mister. Voilà, donc vous êtes en direct sur Sky Online et Radio Progrès. Donc apparemment le site de Sky Online est au ralenti, mais l'émission se déroule comme prévu. Voilà, donc tout de suite Baldwin Fitzhu pour le morceau Mister Mister. There's plenty pretty boys in the dance hall every night, but Mister Mister, it's you who caught my eye. It's unforgivable that nobody wants to grow old. It's time for the original to come and break the mold. Take it easy, just one step at a time, and baby, you'll be fine. Take your rights, don't hold back, get yourself back on track. Keep on moving, don't stop, don't stop, don't stop. Let your senses remember how you made it here, a game of truth or dare. You rolled the dice with confidence, now the fortunes we can share. The finish line is drawing near, just keep your eye on the prize. A new style is calling you, why don't you try it on the side? Take it easy, just one step. To sneak in, if you can find that leap of faith, then let the games begin. Awaken to a paradise, I'll smile at your every command. Remember to take the good advice and avoid the sinking sand. Take it easy, just one step at a time, and baby, you'll be fine. Take your rights, don't hold back, get yourself back on track. Keep on your senses guide you, shake it up, inspire you. Do anything you want to, but don't stop, don't stop. Take your rights, don't hold back. Get yourself back on track. Keep on moving, don't stop, don't stop, don't stop. Let your senses guide you, shake it up, inspire you. Do anything you want to, but don't stop, don't stop. Et ben voilà, on s'est écouté Don't Stop de Little Violet. Maintenant, on va s'écouter de l'électro swing. Donc, vous vous dites certainement, mais qu'est-ce que c'est que l'électro swing? Alors, je pensais à un petit remix de I Wanna Be Like You du Livre de la Jungle. Et c'est vrai que la version de Sim Gretina va vous donner envie de, si vous êtes assis devant un ordinateur ou allongé dans un lit ou sur une chaise, de danser. Et là, vraiment, on est parti pour 5 morceaux, des morceaux qui vont donner une certaine pêche, d'enfer, voilà, parce qu'on est le samedi 30 septembre, et il est minuit 10, et tout de suite, on s'écoute le Livre de la Jungle en électro swing pour le morceau I Wanna Be Like You. Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. I wanna be a man cop, and stroll right into town. And be just like the other men. I'm tired of walking around. Oh, I want to be like you. to make my dream come true. Now give me the secret, man cub. Come on, clue me what you do. Give me the power of man's red flower, so I can be like you. Oh. We believe in you, see it true. Shoo-ga-doo, can they fly me? Shoo-ga-doo-ga-doo, can't lie to me. You, human too. Oh. Et là, c'est vrai qu'on sort de cette reprise en électro-swing du Livre de la Jungle, et c'est vraiment extraordinaire. Donc je vous propose une autre version aussi extraordinaire, parce qu'on écoute du swing et c'est extraordinaire. On va s'écouter Zach White pour une version de Django Reinhardt, pour le morceau Minor Swing, en version toujours électro-swing. Donc voilà, vous êtes sur Sky Online et Radio Progrès, et j'espère que vous allez bien, puisqu'on va passer une soirée ensemble jusqu'à 6h du matin, et on va se passer 2 heures de swing et d'électro-swing ensemble, et c'est vrai qu'on va pouvoir papoter, et j'espère que le son est d'une qualité optimale, parce que c'est vrai que moi je suis d'une énergie incroyable. Donc tout de suite, Minor Swing de Django Reinhardt en version électro-swing. On s'est écouté Minor Swing de Django Reinhardt en version Electro Swing. Donc tout de suite, on va s'écouter Peggy Suave pour le morceau Pochine en Electro Swing, toujours. Donc Pochine de Peggy Suave pour le morceau en version Electro Swing, pardon. Let me introduce to you, Posin, everybody pose. Here's a dance you all can do. Let me introduce to you, Posin, everybody pose. frozen. Everybody frozen. Everybody, everybody, everybody been dance. Everybody, everybody, everybody been dance. Everybody, everybody, everybody been dance. Everybody, everybody, everybody been. Time, there's the jump and come to you. The rich have money, the beast make honey. Et tout de suite, on s'écoute à Grand Lazio pour le morceau Jericho, toujours de l'électro-swing. Donc voilà, vous pouvez danser, sauter, et si vous avez des voisins qui vous embêtent, bah profitez-en, c'est la musique qu'il faut. Thank you. Morceau de Parlov Stella, Libella Swing. Parce qu'on s'écoute du swing, et maintenant on va s'écouter Charlie Puth, pour le morceau Betty Boop Plan, qui est une reprise de Kato, toujours en électro swing. Donc, on continue Charlie en direct pour le morceau Betty Boop Plan. Vous êtes en direct sur Sky Online et Radio Pro. Charlie Puth on keys. Follow my step. Pops. C'est écouter le dernier morceau d'Electro Swing pour le morceau Clash, mais non, oui, c'est du français, c'est de l'Electro Swing, un morceau de 3 minutes 08, et puis ensuite, on reprendra l'antenne pour passer du swing, le groupe Diablo Swing Orchestra, et je vous en parlerai plus de l'anecdote que j'ai de ce groupe et du morceau que je vais vous passer. Donc tout de suite, mais non. Those are tapping. Teddy. Those are tapping. Teddy. We're not all credit. Que son fils n'était pas si exemplaire. Mais non, l'aimerait-elle toujours autant? Et si maman savait que son fils n'était pas si exemplaire? Mais non, l'aimerait-elle toujours autant? Et oui, donc je vous disais tout à l'heure qu'on va s'écouter le groupe Diablo Swing Orchestra pour le morceau Tap Dancer Dilemma, qui est un morceau que j'ai énormément écouté. Et en effet, il fut un moment de ma vie où j'ai fait beaucoup d'hôpital et de clinique. Et c'est vrai que ce morceau m'a permis de me tenir par les tripes, et notamment l'opposition entre la voix féminine et la voix masculine, qui est vraiment tout à fait incroyable avec cette approche de swing, enfin, si on est dans du rock swing, quelque chose un peu comme ça, et c'est vrai que ça fait vibrer la membrane de l'enceinte, au point que parfois on a envie de tout mettre à fond et de se dire ouais, il est quand même minuit 40, et oui, mais on a envie de faire cracher les watts. Voilà, donc ensemble, faisons cracher les watts avec du swing pour le morceau de Tap Dancer Dilemma de Diablo Swing Orchestra. Et après, c'était écouter Caro Emerald pour le morceau Back It Up. On s'écoute tout de suite Jamie Berry pour Lost in the Rhythm. Et vous êtes sur Sky Online et sur Radio Progrès pour l'émission Le Duplex. J'espère que vous allez bien. Donc tout de suite, Jamie Berry. S'écouter un peu plus de swing. Ah oui, mais on s'écoute déjà du swing, donc c'est assez drôle. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'on va peut-être un peu revenir un peu aux sources du swing pour deux morceaux au travers de The Band Boutique pour le morceau Milkshake, et ensuite d'un morceau de The Post Modern Jukebox qui parle à propos de Fancy, voilà. Donc je suis un peu en train de me brouiller, voilà, veuillez m'excuser. Donc tout de suite, Milkshake, et c'est peut-être l'heure de s'hydrater aussi, parce qu'il fait peut-être un peu chaud, je sais pas, en fonction de là où vous êtes, il faut s'hydrater avec de l'eau ou avec un Milkshake. They lose. see you on it. You want me to teach these techniques that reach these boys. It can't be bought, just know thieves get caught. Watch if you're smart. La la la la la. Warm it up. La la la la la. The boys are waiting. La la la la la. Warm it up. La la la la la. My milkshake brings all the boys to the yard. They're like, it's better than yours. Damn right, it's better than yours. I can teach you, but I'd have to charge. My milkshake brings all the boys to the yard. They're like, it's better than yours. Damn right, it's better than yours. I can teach you, but I'd have to charge. Écoutez Postmodern Jukebox pour le morceau Fancy. Donc on va s'écouter tout de suite Caravan Palace pour le morceau Rock It For Me. Bah. Bye. Et oui, donc on va s'écouter tout de suite Swing Republic, un morceau folle, celui de Sam and the Wound pour Bum Bum et de Jamie Berry pour Sweet Rascal. Vous êtes en direct sur Sky Online et Radio Progrès pour le Duplex, une émission extraordinaire qui vous passe du swing un samedi 30 septembre à 1h du matin, et c'est le moment de danser dans tous les sens parce que c'est du swing et c'est de la musique faite pour danser. Yeah. what you got, you rascal, you. I wonder what you got, you rascal, you. They wonder what you got, makes my wife think you so hot. And I wonder what you got, you rascal, you. Sur Sky Online et Radio Progrès. Donc, on s'écoute du swing, on vient de s'écouter Jimmy Berry pour le morceau Sweet Rascal. Donc, je vous propose qu'on s'écoute Alors, c'est un peu compliqué à prononcer, mais on va y arriver. C'est The Speakeasies Swing Band pour le morceau Bright Lights, Late Nights. Et ensuite, on s'écoutera The Hot Club Junax. Pour le morceau Joseph, un morceau très sympathique, très chill, un morceau parfait pour 1h25. Donc voilà, et après on s'écoutera The Hot Sardine pour le morceau Running Wild. Donc tout de suite, The Speakeasies Swing Band. Et vous êtes en direct sur Skyline et Radio Progrès pour une émission extraordinaire. C'est le duplex du vendredi à samedi. Donc tout de suite, The Speakeasies Swing Band. Thank you.

wild, lost control. Running wild, mighty bold. Feeling gay, reckless too. Carefree mind all the time, never blue. Always go, don't know where. Always showing I don't care. Don't love nobody, it's not worthwhile. All alone, all alone, all alone. Et ben voilà, on s'est écouté The Hot Sardine avec Running Wild. Donc on va continuer avec Dima pour le morceau Honju, suivi de Swing Growers pour Butterfly et de The Real Tuesday Wade pour le morceau Basswheel in Clear Time. J'y arrive, je progresse dans mon anglais. Donc tout de suite Dima avec Honju. Simple. Die. et on s'écoute Swing Growers pour morceau Butterfly. Vous êtes en direct sur Sky 9 et Radio Courriel. Et oui, donc on s'est écouté The Rare Tuesday Whale pour morceau Bass Whale in Clairecantime. Et on va passer du Amy Winehouse, parce que j'avais envie de passer du Amy Winehouse pour morceau du No I'm No Good. Mais ensuite, on s'écoutera Jamie Berry, qu'on s'est déjà écouté d'ailleurs, avec Rosie Hart pour le morceau Peeping Tom. Et ensuite, on s'écoutera, issu de la chaîne YouTube Spades, pour le morceau Dramatic Phonetic, c'est de l'Electro Swing. Donc tout de suite, Amy Winehouse pour le morceau You Know I'm Not Good, et je trouvais que ça faisait un peu swing aussi. Stomach drop and my guts churning. You shrug and it's the would you? So just to keep everybody awake, sort of, I asked a couple of the boys in the band to drop over too. There's a peeping Tom sat outside my window. He's been there for days. And now it's only gotten on to Sunday, and I think it's time to play. Cause there is nothing more that I like than to be seen. Open up your eyes real wide, cause peeping Tom, I got a big surprise. So I slide across the curtain, why do I see? Sure as hell, the peeping Tom is looking at me. So I simply accidentally, carelessly drop my dressing gown for him to see. So peeping Tom, keep on looking at me. Peeping Tom, tell me, what do you see? What do you see? What do you see? What do you see? What do you see? Anything can happen. Watch. We'll be right back. Et oui, donc c'est Pierrot, votre animateur. Vous êtes sur Radio Progrès et Isekai Online. Donc on s'est écouté pour le dernier morceau, Spades for Dramatic Phonetic. Donc tout de suite, on va s'écouter Big Bad Voodoo Daddy pour le morceau Mr. Prince. Alors, c'est Mr. Pine Stripe pour Suite. Je suis suivi de Vaya con Dios pour le morceau Né, Né, Né. Et ensuite, on s'écoutera de l'Electro Swing encore avec The Hell and the Pocket Bells. Donc, vous êtes en direct. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous swingez ce soir. Parce que c'est le moment de sauter dans votre appartement, dans votre maison, ou même dans votre champ, si vous êtes dans un champ, voilà. Donc tout de suite, The Big Dad Voodoo Daddy pour le morceau, Mine Pine Stripe Suite. Cigarette. I don't believe I ever saw him without a cocktail in his hand. No one swings his horn to the big band, voodoo band. Yeah! Now he strolls through the city like a big old alley cat, with his pinstripe suit and a big band voodoo hat. I don't believe I ever saw him without a kitten on his head. And no one swings his horn to the big band voodoo band. Hey, Mr. Pinstripe Suit. Hey, Mr. Heidi, Heidi Ho. Well, I know you got the answers. We all wanna know. Mr. Winged Shoes. Hey, Mr. Always on the go. Well, I know you got the answers. We all wanna know. Thank you. got on the phone and called the girl. Said, meet me down at Curly Pearl's for nay na na na. Nay na na na. In my high heel shoes and fancy pads, I ran down the stairs, hailed me a cab going nay na na na. Nay na na na. Nay na na na. Nay na na na. Oh, na nay na na na. Nay na na na. Na na na. When I pushed the door, I saw Eleanor and Mary Lou swinging on the floor, going nay na na na, nay na na na. Sue came in a silk sarong. She waltzed across as they played that song. I mean, nay na na na, nay na na na, nay na na na, nay na na na. Oh, na nay na na na. We wanted you to hear. the Hotel Paradise. This is what I told him as I gazed into his eyes. Rooms were made for carpets, towers made for spires. Ships were made for cannonade to fire off from inside them. Camptown ladies never sang, oh, little, no, no, no. Camptown ladies never sang, oh, little, no, no, no. Stephen Foster at the Hotel Paradise. This is what I told him as I gazed into his eyes. Ships were made for sinking, whiskey made for drinking. If we were made of cellophane, we'd all get stinking drunk much faster. Camptown ladies never sang all the Dunate. No, no, no. Camptown ladies never sang all the Dunate. Et oui, donc vous êtes sur Isekai Online et Radio Progrès, donc on va s'écouter tout de suite Chabajo pour le morceau Blue Drag, suivi de The Speakeasy 3 avec The Swing Ninja pour le morceau Mighty The Moocher. Tu nous comptes ça, Serge ? 1, 2, 3. Do-wop, do-wop, do-wop, do-wop, do-wop, do-wop, do-wop, do-wop, do-wop, do-wop, do-wop, do-wop, do-wop, do-wop, do-wop, do-wop, do-wop, do-wop, do-wop, do-wop, do-wop, do-wop, do-wop, do-wop, do-wop, do-wop, do-wop, do-wop, do-wop, do-wop, do-wop, do-wop, do-wop, do-wop, do-wop, do-wop, do-wop, do-wop, do-wop, do-wop, do-wop, do-wop, do-wop, do-wop, do-wop, do-wop, do-wop, do-wop, do-wop, do-wop, do-wop, do-wop, do-wop, do-wop, do-wop, do-wop, do-wop, do-wop, do-wop, do-wop, do-wop, do-wop, do-wop, do-wop, do-wop, do-wop, do-wop, do-wop, do-wop, do-wop, do-wop, do-wop, do-wop, do-wop, do-wop, do- Hardy, hardy, hardy, hardy, hardy, hardy, hardy. Tout de suite, on s'écoute Tap 5 pour le morceau Bad Boys Good Man, et on est toujours dans le même état d'esprit. Et ensuite, on s'écoutera Aaron Chupa et les Little Six Noirs pour le morceau Trombone. Yeah. dance if I don't dance, no romance. Feel like dancing, dance with me. Apart, maybe in magazines, but words, you'll still be my star. Baby, cause in the dark, you can't see my shiny car. And that's when you need me there, with you I'll always share. Because when the sun shines, we shine together. You know I'll be here forever. Said I'll always be a friend. Took an oath and I'm sticking out to the end. Now that it's raining more than ever, know that we still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. These fancy things will never come in between. You're part of my entity, here for infinity. When the war was took its part, when the world has dealt its cards, if the hand is had its heart, together we'll mend your heart. Because when the sun shines, we shine together. You know I'll be here forever. Said I'll always be a friend. Choking up and I'm sticking out to the end. Now that it's raining more than ever, know that we still have each other. You can't stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. C'est pour vous dire qu'on va progressivement se terminer la session de swing et aussi, je vous annonce, on n'ira pas jusqu'à 6h du matin exceptionnellement. On va plutôt s'arrêter vers 3h. Donc, on s'est écouté Casey Abrams avec The Hold Sister pour une reprise de Rihanna pour Umbrella. Donc on va s'écouter tout de suite le groupe The Speakeasy avec encore les Swing Ninjas pour le morceau Three When I Get Low I Get High. Suivi de Black Ball Boogie and Virginia pour le morceau Ding Dong Daddy. Et ensuite on s'écoutera The Electric Swing Circus pour le morceau Bella Belle, et après on terminera doucement notre émission. Vous êtes en direct sur Ezekiel Online et Radio Progrès. God is barely in a tangle, cause I'm a slice of pie he just can't handle. And when I get low, whoa, I get high. My pockets are empty and my chips are down, but I ain't gonna holler, no, I ain't gonna frown, because when I get low, you follow blindly. He knock upon the pearly gate before you know it is too late. You pick the apple and you wait a big old bite. Et oui, donc vous êtes sur Isekai Online et Radio Progrès. Donc on vient de terminer notre session de swing, une session qui a eu lieu le samedi 30 septembre. Donc on va s'écouter Grammatique et Parob Stellar. Puis ensuite on s'écoutera Ray Charles et on terminera par Johnny Hooker avec Carlos Santana pour le morceau Chill Out. Ce sera le dernier morceau de la soirée. Et du coup, bah, après, je vous souhaiterai une agréable soirée, une bonne nuit. Donc, l'émission du marathon aujourd'hui aura été un semi-marathon. Et un semi-marathon, c'est déjà extraordinaire. Donc, tout de suite, Grammatique, pour le morceau Muy Tranquilo. C'est une reprise par DJ Vitamine. Voilà, moi j'ai besoin de vitamines. Et j'espère vous vitaminer la vie. We'll be right back.

what you said. Don't you come back no more. I didn't understand. Don't you come back no more. You can't mean that. Don't you come back no more. Oh, now, baby, please. Don't you come back no more. What you trying to do? Ben voilà, on arrive au milieu de notre émission normalement, mais en raison de la fatigue que j'ai accumulée ces derniers temps, je vais arrêter l'émission du duplex. Il est quasiment 3h du matin. Nous sommes le samedi 30 septembre et je vais laisser maintenant l'autoplay. Donc si vous avez des suggestions, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. C'était vraiment un plaisir de passer du swing pendant quasiment 3 heures de temps. Donc voilà, j'espère que vous allez passer une agréable soirée avec l'autoplay, ou sinon avec, pourquoi pas, un replay qui sera diffusé prochainement. Voilà, donc c'était Pierrot, votre animateur, et je vous souhaite une agréable soirée.